L'affaire du coffret. 51e. وهكذا وجدت نفسي عند آن في منزل جميل في جنوب فرنسا. رائحة القهوة. آن لا تعمل اليوم. لدينا الوقت كي نتعارف. لوكا، il est 9h. Le café est prêt. Ah, bonjour. Il est 9h? Oui, déjà. La police arrive. La police? Oui, le commissaire Jeannin. Pour le vol, il nous connaît. Ah, Anne... Attendez. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes l'ami journaliste? Je suis content de vous voir. Vous allez nous aider. Vous avez les enregistrements? التسجيلات. يريد المسجل الجوال. C'est pour le vol? Oui, on va les écouter. D'accord. Voilà. Voyons. Rapide. Ma poste. C'est rare quand même quand les papiers sont ouverts. Ou alors si, ils sont ouverts, mais par la douane. Oh non, pardon, excusez-moi. Oh là là, ça dure. Mais ma lettre est très importante. Moi, je viens pour mon courrier. Oh, c'est mon tour. Au revoir, madame. Mais c'est intéressant, ça. Mais c'est Nadia à la poste. Son courrier est poste restante. Poste restante? Pourquoi? C'est une copie de mes lettres à la police, sur le réseau Sud. Et cette lettre? Signée A. Dupin, le réseau Sud, vous voyez? Je l'ai lui envoyé, poste restante. Je l'ai lui envoyé? Oui, Lucas. J'envoie les lettres à Nadia. Je lui envoie les lettres, je les lui envoie. Parlons du réseau Sud. Nadia a contacté le réseau pour acheter. Enfin, c'est ce qu'il pense. Nadia a acheté le coffret et la bague. La dame de Nouan, les mains vides, les ornées à Saint-Charles. Oui, l'annonce c'est nous, la police. Pour attraper les voleurs en flagrant délit, vous comprenez? Mais qui sont les voleurs? Nous ne savons pas encore. Un antiquaire parisien, des Italiens. Pour attraper les voleurs en flagrant délit, vous comprenez? Flagrant délit? بالتأكيد يعني بالجرم المشهود. ناديا تلعب دور زبونة كي تساعد في ضبط اللصوص متلبسين. ولكن خبير التحف الباريسي ألا يمكن أن يكون غوني؟ À suivre.